بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le 9e chapitre, auteur qui dit rahimahullah, le chapitre concernant la dureté des cœurs face au Coran. D'après Samurah ibn Jundub radiallahu anhu, dans son long récit. Vous avez marqué quoi après le mot dans son long récit? Dans le long récit du rêve. Dans le long récit du rêve. Ok, très bien. Parce qu'avant, il y avait une erreur de traduction et je l'ai corrigé après. Donc, dans le long récit du rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux individus sont venus à moi cette nuit et sont partis avec moi. Ils dirent: pars. Je suis alors parti avec eux. Et nous nous sommes rendus à un endroit où un homme était couché et un autre debout sur lui, tenant une grosse pierre. Il jeta alors la pierre sur la tête, et la fracassa. Et donc là, le prophète, ici, donc, il est dans un rêve. Il voit ça, et donc il voit un homme qui se tient debout au-dessus d'un autre. Il lui envoie une pierre sur la tête et fracasse la tête de cet homme. Puis, la pierre dégringola. L'homme s'est emparé de la pierre, la saisit et ne retourna vers l'autre qu'après que sa tête soit revenue comme elle était. Il retourna alors vers lui et lui fit la même chose qu'il lui avait fait la première fois. Je dis alors, Subhanallah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une personne qui se fait fracasser la tête par une pierre. Ensuite, sa tête, elle reprend sa forme. Et encore la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on répond, il dit, c'est un homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala avait enseigné le Coran. Il dormait en le délaissant durant la nuit et n'œuvrait pas avec durant la journée. Il lui sera fait cela jusqu'au jour de la résurrection. Et dans une autre narration, celui qui apprend le Coran, puis le rejette et dort durant les prières obligatoires, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Le plus haut degré d'authenticité. Et donc, ça, c'est la rétribution de celui dont son cœur est dur, tellement dur qu'il n'œuvre pas avec la science qu'Allah lui a donnée. Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé une science, et celui-ci n'œuvre pas avec sa science, à cause de la dureté de son cœur. Il y a aussi, dans ce hadith, le fait qu'une personne qui connaît quelque chose, une science, eh bien, en fait, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a enseigné cette science. Donc ça, c'est important de le savoir. Parfois, certains vont avoir de l'orgueil, « Masha'Allah, les bagages que j'ai, Masha'Allah, ce que je connais. » Non, ce que tu connais, c'est Allah qui te l'a donné. C'est Allah qui te l'a enseigné. Comme on peut le voir, donc, dans ce hadith, lorsqu'il répond au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « C'est un homme à qui Allah a enseigné le Coran. » Allah lui a enseigné le Coran. Donc ce que tu connais, c'est Allah qui te l'a enseigné. Allah Azza wa Jalla qui dit dans son livre, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Et certes, on ne vous a accordé que très peu de science. Ça veut dire que la science que vous avez, c'est nous qui vous l'avons accordée. Et donc, chacun d'entre nous ici, nous devons être humbles. Ne t'emplis pas d'orgueil parce que tu connais plus que ton frère sur un ou deux sujets, etc. Ce que tu as, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui te l'a accordé. Troisième point, c'est qu'il est obligatoire à toute personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala a enseigné le Coran de remercier Allah tabaraka wa ta'ala quant à ce bienfait. Et comment est-ce que tu remercies Allah? C'est en œuvrant avec tout verset que tu apprends du Coran. C'est pour ça que les frères, je vous dis, c'est important le tafsir. C'est important. Tous ici présents, vous connaissez des versets du Coran. Vous connaissez des sourates entières. La sourate que tu connais, Allah tabaraka wa ta'ala te l'a enseignée. Il a fait que tu connais cette sourate. Tu dois connaître son sens afin d'œuvrer avec et ne pas être dans la situation de cet homme. Donc cet homme à qui Allah a enseigné le Coran et qui n'œuvre pas avec. Il y a dans ce hadith le fait ce hadith il montre le châtiment de la tombe. Le fait que le châtiment de la tombe soit vrai, le plus haut degré d'authenticité. Et on voit clairement un homme qui se fait châtier dans sa tombe. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est dans sa tombe et que ce n'est pas au jour de la résurrection ? Tout simplement, lorsqu'il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui sera fait cela jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire que ça arrive avant le jour de la résurrection. Et donc, c'est cet homme-là qui se fait châtier dans sa tombe à cause du fait que il avait le cœur trop dur et n'œuvrait pas avec le Coran. Dans ce hadith, il y a le fait de délaisser les œuvres avec le Coran, de délaisser le fait d'œuvrer avec le Coran, cela fait partie des grands péchés. Cela fait partie des grands péchés. Et ceci est une preuve qui montre la dureté du cœur. Toi, tu n'as pas accès au cœur de la personne. Tu n'as pas accès à son cœur. Mais il y a des éléments qui te montrent la dureté du cœur. Quels sont ces éléments ? Le fait que la personne n'œuvre pas avec sa science. La personne n'œuvre pas avec ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Allah Azza wa Jal qui dit dans son livre « Elam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. La sourate 57, Al-Hadid, le verset 16. Sourate 57, verset 16. N'est-il pas venu pour ceux qui ont eu la foi, ceux qui croient, que leur cœur, donc, se soumette pour le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et ce qui est descendu de la vérité. Et qu'ils ne fassent pas comme ceux qui ont reçu le livre auparavant et qui ont trouvé le temps trop long et qu'ensuite leurs cœurs se sont donc endurcis et beaucoup d'entre eux sont de grands transgresseurs. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, d'après Abu Moussa, radiallahu anhu, et il dit au récitateur, de Al-Basra. Donc c'est Abu Moussa qui s'adresse au récitateur de Al-Basra. Il leur donne comme conseil, récitez-le et que la lassitude ne vous atteigne pas de sorte que vous trouviez le temps long. Subhanallah. Un frère m'a posé la question. Il n'y a pas si longtemps, il m'a demandé comment ça se fait que quand je venais de me convertir, j'avais la motivation, ça, je faisais, et après, ça s'est arrêté. Il y a des frères, donc ils connaissent l'istikama, ils sont là, t'es là, tu fais toutes les prières surérogatoires, tu fais tes invocations du matin, les invocations du soir, et tu fais ci, et tu fais ça, et tu fais ci, et avec le temps, ça diminue. Qu'est-ce qui fait que ça diminue? Alors là, regardons ce qu'il nous dit ici. C'est ce sujet-là. Alors il nous dit, récitez-le, c'est-à-dire récitez le Coran, et que la lassitude ne vous atteigne pas, de sorte que vous trouviez le temps long, puis que vos cœurs s'endurcissent, comme se sont endurcis les cœurs de ceux qui vous ont précédé. Comme on a cité dans le verset précédent. Et donc le fait que les gens trouvent le temps long. Tu veux adorer Allah tabaraka wa ta'ala, mais il faut que tu saches que tu dois l'adorer jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et donc il ne faut pas commencer, t'es là une semaine après. Oh. Comme on a dit tout à l'heure, le paradis, Allah tabaraka wa ta'ala accorde cette récompense aux endurants. C'est important l'endurance. Et d'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit, certes, les descendants d'Israël, quand ils trouvèrent le temps trop long, leur cœur s'endurcir. Ils inventèrent alors un livre de leurs propres mains, un livre qu'ils se permirent d'écrire eux-mêmes, alors que la vérité s'opposait à beaucoup de leurs passions. Ils furent cela jusqu'à ce qu'ils jetèrent le livre d'Allah derrière eux. Et donc il y a dans ce texte, barakallahu fikoum, l'importance de l'endurance. L'importance de l'endurance dans la lecture et dans le fait d'œuvrer avec ce qu'il y a dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal qui nous dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ista'inu bis sabri wa salah. Ô vous qui avez cru, aidez-vous de l'endurance et de la prière. Et donc tu dois t'aider de l'endurance et de la prière. Nous devons être endurants. Barakallahu fikoum. Il y a énormément de versets dans le Coran qui nous montrent cela. Alors, donc le verset 45 dans Surat al-Baqarah. Le verset 45, Surat 2. Il y a donc dans ce hadith qu'on vient de voir le fait que l'être humain ne doit pas être leurré par les actes de bien qu'il fait. Parce que tu ne sais pas si justement tu vas être endurant et tu vas continuer avec cela. Maintenant tu es là, tu fais. Mais beaucoup furent touchés par la lassitude et ont délaissé. Alors ne sois pas leurré par ce que tu fais aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est ce sur quoi tu meurs. Ce sur quoi tu meurs, c'est ce qui est pris en compte. Il y a dans ce hadith le fait que la dureté des cœurs entraîne le fait de délaisser les œuvres avec le Coran. Et cela entraîne, la dureté du cœur va entraîner le fait que l'individu se base sur autre que le Coran, sur autre que le Coran, parmi les livres justement qui s'opposent au Coran. Comme ça a été le cas des communautés précédentes. Et la solution face à la dureté du cœur, le remède face à la dureté du cœur, c'est le fait de beaucoup lire le Coran. Le fait de beaucoup lire le Coran. Tu sens que tu as du mal à accomplir des obligations. Tu sens que tu as du mal à accomplir des actes d'adoration. Alors lis le Coran. Lis beaucoup le Coran et médite sur celui-ci, afin d'œuvrer avec. Voilà la solution face à la dureté du cœur. Et on va arrêter là pour ce soir. Inch'Allah ta'ala, on reprend demain à 22h, Inch'Allah, avec le chapitre 10. Inch'Allah. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.